Bonjour à tous, ici Émilie, votre animatrice de coup de tête. On repousse souvent nos rendez-vous chez le dentiste par appréhension, et pourtant, ces médecins jouent un rôle tellement important pour notre santé. J'ai grandi auprès de l'un d'entre eux, et j'ai pu voir combien ce métier peut être exigeant et à quel point il peut faire une vraie différence, notamment en détectant des maladies graves, comme les cancers de la tête et du cou. Dans son podcast « Entretien avec un dentiste », Florence Etcheverry met en lumière l'aspect humain de cette profession et elle nous dévoile les coulisses d'un métier qui est souvent méconnu. Je vous recommande d'aller l'écouter. Vous y découvrirez aussi le témoignage de Sabrina, la présidente de notre association Corasso, dont la vie a changé après une simple consultation annuelle chez son dentiste. Alors que vous soyez patient, soignant ou simplement curieux, ce podcast vous offrira un nouveau regard sur le monde dentaire. Et qui sait, peut-être que vous finirez par prendre ce rendez-vous qui traîne sur votre to-do list depuis des semaines. Bonjour et bienvenue dans Coup de tête, le podcast qui sublime les voix des patients touchés par un cancer de la tête et du cou. Je m'appelle Émilie et j'ai été touchée par un cancer des cordes vocales à l'âge de 22 ans. Avec l'association de patients Corasso, nous souhaitons porter plus haut la parole des patients pour faire connaître et reconnaître ces différentes voix, ces différentes élocutions, ces différentes histoires inspirantes et pleines de résilience. Coup de tête, c'est le podcast qui sublime la voix des patients touchés par un cancer tête et cou. À écouter sans modération. Pour continuer à profiter pleinement des rayons du soleil de cet été, nous avons rejoint aujourd'hui Virginie et Bruno en Normandie, qui nous reçoivent bien chaleureusement chez eux dans leur cocon familial. Virginie et Bruno sont en couple depuis 15 ans. Ils se sont rencontrés au Château Gaillard en Normandie, un véritable conte de fées. La vie familiale est bien remplie, puisqu'à la maison, ils s'occupent de leurs deux adolescents de 13 et 19 ans. Bruno, lui, a 43 ans. Il est dirigeant de plusieurs entreprises, il est vagabond dans l'âme, fanatique de la Côte d'Azur, se dit loup solitaire mais toujours bien entouré de sa meute. Bref, vous allez le découvrir, Bruno, c'est un personnage à part entière. Lorsque Virginie a été diagnostiquée de cancer ORL à 2 ans d'intervalle, 10 ans après leur rencontre, leur vie a complètement basculé. Après une très lourde opération, Virginie parle aujourd'hui à l'aide d'un laryngophone. Bruno, de son côté, a dû revoir son mode de vie afin que Virginie puisse se concentrer exclusivement sur ses traitements et sa guérison. Alors, comment faire face à ces chamboulements de vie tout en menant la barque à la maison et en soutenant sa dulcinée face aux lourds traitements et à ces changements progressifs de voix? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Bruno. Cet épisode sera donc divisé en 2 parties. Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage de Bruno, qui prend la parole pour nous partager son vécu en tant que proche aidant face à la maladie de sa femme. Et dans 15 jours, c'est Virginie qui fera preuve d'une résilience inégalée pour nous partager sa singulière voix. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de votre rencontre avec Virginie et puis le lien si fort qui vous unit? Ouais, bah c'est une rencontre d'un autre temps qui s'est fait lors d'une visite d'un château médiéval en 2009. Très vite, on a eu l'occasion d'échanger, de partager. Et je pense qu'on était tous les deux à une période de notre vie où on se cherchait un petit peu, où on avait des expériences par le passé. Et puis, à un moment donné, on a travaillé ensemble sur à archiver un petit peu tout ce qu'on avait fait avant pour construire ce qui venait après. Je pense qu'on fait partie de ces gens. C'est une rencontre d'âme plus qu'une rencontre d'être, en fait. Et c'est quelque chose, c'est comme si tu avais l'impression de vivre avec quelqu'un depuis des centaines d'années. C'est tellement évident d'être ensemble, c'est tellement facile, tellement prévisible par moments et imprévisible aussi à la fois, que il n'y a pas de, Enfin, chaque minute est le moment d'après, en fait. C'est jamais comme avant, c'est toujours comme après dans cette relation. Mais c'est quelque chose qui ne se réfléchit pas, c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Et je pense que le lien que l'on a est lié à un voyage complètement autre que notre rencontre ou ce qu'on a pu vivre dans nos vies. C'est un peu comme si c'était écrit votre histoire et que vous étiez amené à vous rencontrer. Ouais, c'est même... T'imagines que c'est un livre qui se déroule sur plusieurs vies. C'est comme si les premiers chapitres, c'était des vies précédentes et que dans cette vie-là, on a ce chapitre, cette rencontre, cette maladie, quoi, tout simplement. Toi, Virginie, tu l'as rencontrée au départ. Elle avait sa voix tout à fait normale. Et puis, le cancer est apparu et survenu comme ça dans votre vie. Comment ça s'est passé déjà? Est-ce qu'au moment de l'annonce, toi, t'étais là? Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé en plusieurs étapes. Il y a eu effectivement l'annonce. J'étais présent à l'annonce. J'étais présent dès le départ. Elle était, ça faisait déjà plusieurs mois qu'on parlait d'un syndrome sec, où elle avait des difficultés à avaler ou se nourrir ou avoir une vie sociale était de plus en plus compliquée. Et en fait, je me souviens du moment où ça s'est précipité. La veille au soir, j'avais tardé au bureau pour une réunion. J'étais rentré, Virginie était couchée, il devait être 23h. Et le lendemain, je l'ai au téléphone à 17h. Elle m'a annoncé que ça faisait déjà 24h qu'elle n'arrivait plus à boire d'eau. Donc je lui ai dit, écoute, j'ai un dernier rendez-vous, je rentre. Quand je rentre, si t'as pas l'appel du médecin, on file aux urgences, et c'est là où ça s'est un petit peu accéléré. Donc elle a été aux urgences, ils l'ont hospitalisée de suite à des examens. J'ai, comme bon nombre de gens font maintenant, puisqu'on a une facilité dans nos générations, à googliser les différents symptômes. J'ai regardé, j'ai vu qu'il pouvait y avoir effectivement différentes options, et une des options était l'épaississement de la voie œsophagienne, qui était liée à une tumeur bénigne cancéreuse, en fait. Et là, j'ai dit, oups, il y a quand même quelque chose qui... Elle avait des modifications dans sa voix à ce moment-là? Non. Elle avait juste le fait qu'elle n'arrivait pas à s'alimenter de manière normale. Okay. Elle s'alimentait très, très, très, très lentement. Et par moments, elle allait pour régurgiter, en fait, parce que ça ne passait pas de par la circonférence de l'œsophage. J'ai une discussion avec mon père le matin où je laisse mon petit, puisqu'elle est hospitalisée et je dois repartir au bureau. On n'a pas encore pris l'importance de ce qui est en train de se dérouler. Et je dis à mon père, je dis, il y a différentes hypothèses, mais il peut y avoir aussi une base tumorale en termes de cancer. Et mon père, qui à ce moment-là n'était pas très à l'aise avec ce type de sujet, venait de perdre sa maman d'un cancer, me dit, mais c'est n'importe quoi, un cancer c'est une boule, c'est pas un épaississement, enfin voilà, ce système de croyance normal. Et je dis, écoute, on verra bien, je pars au travail. J'ai l'après-midi mon épouse au téléphone. Elle remontait du bloc, ils avaient fait donc les premières explorations. Je pense que Virginie est plus solide que moi, très clairement, et elle avait décidé de me préserver en disant, écoute, il n'écarte pas la possibilité que ce soit un cancer. Je me souviens, j'étais sur un coin que j'aime vraiment beaucoup, le périph parisien dans les bouchons, et là je me dis, bon, on va voir, on va croiser les doigts. Je me rends à l'hôpital auprès de ma femme. Je rentre dans la chambre d'hôpital, je vois mon épouse. On avait été l'avant-veille avec mon fils à une fête foraine où elle devait venir avec nous. Donc je me pointe avec un gros nounours que notre dernier a gagné pour elle. Il me dit, tu es dans la maman, voilà. Et je rentre dans cette chambre d'hôpital, je vois que Virginie, elle me ménage, elle me parle, elle m'explique, bon, il y a différentes hypothèses et tout. Bon, et après elle voit les médecins, je ressors de la chambre et là, Là, ils lui disent qu'à 80% c'est vrai, et on obtient un rendez-vous quelques jours après chez le médecin. Et là, il y a l'annonce officielle disant que c'est 100% ça, il n'y aura pas de machine arrière. Et on se retrouve avec un médecin, avec un oncologue qui a une particularité, il est très empathique. Et donc, quand il t'amène les choses, tu vis plus que ce que tu devrais vivre les choses, je pense. Et moi, à ce moment-là, mon monde... j'ai 40 ans à ce moment-là, donc je n'ose même pas me projeter dans ce type de situation. Mon monde tremble d'un coup et j'ai à côté de moi une femme qui a la qualité de ses défauts, c'est-à-dire que c'est une tête de mule, et elle regarde l'oncologue en disant « bon, très bien ». Donc là, ça sent pas bon, puisqu'il nous avait dit que c'était un des cancers, ces termes, je m'en souviens, ils étaient un petit peu difficiles à entendre, et voilà, c'est un des cancers très compliqué. La possibilité de sortir de ce cancer-là, est très improbable. Par contre, sachez une chose, comme vous êtes jeune et mère de famille, on va amener les traitements au plus loin possible de manière à se donner toutes les chances. Et là, je me dis, ouh! Et la réflexion de Virginie a été de dire, ok, donc elle définit, donc les gens qui nous entendent ne voient pas ce que je veux faire comme geste, mais elle définit un écart-type entre ses doigts de 2 cm en disant ça, c'est la capacité de s'en sortir, et elle fait un grand geste avec ses bras d'un mètre en disant, et ça, c'est la possibilité de mourir. Donc on va se concentrer sur cette petite partie, ça sert à rien de regarder le reste, on va foncer. Ça s'est mis en route, le diagnostic était posé. Et bon, moi j'ai eu un temps juste pour accuser, mais je suis que l'accompagnant, donc je n'ai même pas à me plaindre de cette situation. Mais je vois une femme forte, battante, qui dit « Bon, allez, on est au pied du mur, la situation est ce qu'elle est, on a 2 options, bien la vivre, mal la vivre. Bon bah on va bien la vivre et on va taper dans le sens positif des choses, on va aller vers la guérison. » Mais toi du coup, à ce moment-là, parce que vous avez quand même 2 caractères bien opposés, et tu me disais, toi t'es peut-être un peu plus sensible, et Virginie elle est très... voilà, elle va droit au but et elle se concentre vraiment sur les choses essentielles. Est-ce que toi du coup, à ce moment-là, elle t'embarque dans cette optique-là, ou est-ce que le contre-coup est trop dur à accuser? Moi, le contre-coup est très difficile. Je me souviens, lors de l'entretien, je suis le seul à m'effondrer. C'est ma femme c'est même particulier de déclarer ça. Tu te dis, putain, c'est moi qui suis en train de sombrer. Maintenant, par rapport à Virginie, c'est là où on est très complémentaires. C'est quelqu'un, Virginie, elle a la tête froide, elle prend les informations, entre guillemets, vraiment de manière brute. Elle dit, ok, A ou B. Moi, j'ai une part d'émotion. Par contre, comme je suis quelqu'un qui a une capacité quand même à prendre pas mal de recul, j'ai vécu des choses comme tout le monde, donc j'ai une échelle, entre guillemets, de souffrance qui est la mienne. Et au moment où je vois que Virginie, elle y va, je me refuse, en fait, à sombrer tout seul. Et je me dis, ok, on y va. Et là, je me mets en mode un petit peu gestion. Ok, on va être pragmatique. C'est comme un bilan. Il faut que l'actif et le passif soient le même. Ok, on y va. Pim, pam, pam, pam. Là, tu te retrouves. Alors, sur le plan matériel, tu te dis comment on va faire. Parce que mécaniquement, à son compte, plus rien du jour au lendemain. Voilà. Ça, c'était sur le coup la première question pour subvenir aux besoins. De la deuxième question, c'est en termes de famille, comment je vais gérer vis-à-vis des enfants ? Est-ce que je vais être assez fort? Est-ce que je vais être assez compétent pour être à leur côté? La chance qu'on a, c'est qu'on a 2 gamins qui sont formidables et qui ont pris les choses bien au-delà de mon espérance. Et puis tu te dis, il y a quand même quelque chose, c'est que quand tu te retrouves seul le soir, que tes gamins sont couchés, que tu sais que tu vas te lever à 3h30 pour faire la machine parce que tu continues à bosser, faut continuer à gratter quand même. Tout ne s'arrête pas. Ton devoir d'accompagnant, c'est de maintenir un quotidien de manière à ce que le malade, lui, il ait à s'occuper. Enfin, le malade, pardon, le patient, je sais que c'est un terme que vous n'aimez pas, mais vous avez raison. Le patient, il doit s'occuper, en fait, de son job, c'est de battre la maladie. Et moi, mon job, c'est de tenir, entre guillemets, un certain équilibre de manière à ce que mon épouse n'ait rien à gérer à ce moment-là. Il y a des moments, il y a des hauts et des bas, comme tout le monde. Après, l'avantage que tu as, enfin, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais quand t'as des enfants, de toute façon, tu n'as pas le choix. C'est à la fois, entre guillemets, ce qui va être ta faiblesse parce que ça te crée une peur terrible, mais de l'autre côté, c'est ce qui va être ta force parce que ça te donne une capacité à aller au-delà de ce que t'aurais fait seul. Comment ça s'est passé justement avec les enfants? Et il y a eu un peu comme une rupture au début quand elle a eu la trachéotomie parce que ça a été, et ce qui est normal, difficile à accepter par les enfants. Est-ce que tu faisais un peu le rôle de médiateur ou le lien entre ta femme et tes enfants? J'avais pas besoin. Je pense qu'on a un foyer où on a un lien complètement atypique. Ouais. Tous les 4, donc on vit à 4. Il y a deux garçons, un de 19 maintenant et un de 14, qui à l'époque avait 15 et 10 ans, pour dire quelque chose. Je me souviens quand Virginie est rentrée de l'hôpital, donc de ses 4, 5, 6, 7, 10 premiers jours, je sais plus, où ils ont posé une sonde nasogastrique. Donc elle est rentrée à la maison avec son portant, son meilleur ami et sa poche qui tournait. Dès le départ, on s'est posé avec les enfants de manière un peu, alors c'est très étrange ce que je veux dire, un peu comme l'apéritif familial où on se pose, on prend tous une orangeade et puis on se parle d'un truc. Maman elle a un cancer, donc ça va pas être évident, mais elle compte pas, comme elle le dit, elle leur dit Mais bon, vous inquiétez pas, hein, je compte pas rester sur celui-ci. Donc moi, je vais rester, quoi qu'il se passe. Donc si tu veux, l'avantage que l'on a, c'est qu'il y a, ça c'est début octobre, il y a dès le départ une annonce, et la trachéo de Virginie intervient lors d'une trachéo de décompression suite au traitement le 29 décembre. Donc la maladie entame Virginie petit à petit, c'est-à-dire que la famille, alors, s'habitue déjà à cette situation qui n'est pas commune. Et les enfants, donc, accompagnent leur mère, et petit à petit, alors je ne sais pas si Virginie l'a vécu comme ça, mais si je dois mettre des mots sur la situation, petit à petit, Virginie se détache du foyer, tout en restant dans une pièce isolée de la maison, où elle se bat, où je viens sur sollicitation quand elle me demande, parce que je ne veux surtout pas l'envahir. Elle s'est décrochée petit à petit du foyer, tout en restant présente avec nous. La seule difficulté qu'il y a eu dans la trachéotomie, ça a été que ça s'est fait un petit peu de manière brutale, puisque je pense que ça a été un manquement de prise en charge médicale à un moment donné. Et on est parti en pleine nuit, il devait être 1h30 du matin, le 29 décembre. Et le 29 décembre, c'est l'anniversaire de notre deuxième gamin, qui, lorsque sa mère n'allait pas bien, on est parti. Je suis rentré, moi, à 3h, peut-être 3h30 du matin à la maison. Et mon fils était assis sur la marche en demandant ce qui se passait. Et il avait 11 ans. Et là, tu te dis, bon... Et là, il va falloir effectivement expliquer les choses. Je lui dis, bah écoute, maman, elle a une difficulté respiratoire, c'est lié à ses traitements, je vais repartir la voir tout à l'heure, ça va bien se passer. Donc le petit se trouve rassuré. Et bon, lorsque ça s'accélère, que je passe dans le premier hôpital, qu'on part dans le deuxième en urgence, en voiture, parce que il semblerait qu'ils n'aient pas mesuré l'ampleur de ce qui se passait, bah tu rentres le soir et ils te disent, bon, et maman, comment elle va? Bon, bah maman, elle va bien. Maman est en vie. Maman, ça c'est un petit peu compliqué. Ils lui ont fait une opération. Donc, pour le moment, de manière momentanée, elle va respirer par un trou qui a été créé dans sa gorge. Il faut mettre des mots sur des situations. On n'a pas le choix. Et puis, c'est important pour eux de comprendre, en fait. Et donc, ça se passe assez bien. Et puis, la chance que j'ai à côté de ça, c'est que le grand que l'on a, donc c'est un enfant d'un premier lit de Virginie. C'est un gamin avec qui, moi, j'ai toujours une vraie proximité. Je l'ai connu, il avait 3 ans. Donc on a toujours eu cette proximité, il a une certaine maturité. Et donc le gros avantage que j'ai à ce moment-là, c'est que lui est capable de prendre l'information, de l'ingérer de manière autonome, et il est capable aussi, je pense, de répondre à des sollicitations de son frère quand son petit frère ne me sollicite pas. Je n'ai pas été le héros de cette histoire, en fait c'est cette famille, c'est cette femme qui a été l'héroïne de cette bataille, et derrière j'ai eu la chance d'être accompagné par des gamins avec une constitution... En fait, vous arriviez tous, chacun, à apporter quelque chose à l'autre. Exactement. Et vous souteniez tous mutuellement, en fait, autour de Virginie. C'est ça. Pour l'apporter. Et je pense que ce que je vais t'évoquer, peut-être que ton entourage l'aura vécu, peut-être que toi, tu l'auras aussi vécu. Il y a un moment donné, dans ce type d'aventure, quand on dit que les probabilités de s'en sortir sont quand même assez faibles, que tu vois l'état quand même physique. Virginie, elle est quand même passée de 52 kilos à 39 kilos en l'espace de quelques semaines. Il y a quand même un bouleversement. Tu as, entre guillemets, une tendance à te dire que ça pue. Le terme, il est là, ça pue. Et en fait, tu, d'une certaine manière, tu fais une sorte de deuil. Et tu fais un deuil, entre guillemets, contrairement à quelqu'un qui va perdre une personne brutalement sur un AVC, sur une crise cardiaque ou sur un accident de la route, par exemple. Toi, tu es en train de travailler c'est moche, mais un deuil. Oui. Voilà. Tu te prépares à toute éventualité. Voilà. Et je pense que toute la famille se prépare à toute éventualité. Et tu n'accueilles plus les nouvelles en ayant peur d'avoir une mauvaise nouvelle. Tu accueilles chaque bonne nouvelle en disant, waouh, ça te crée quelque chose d'assez positif. Oui, c'est... parce que oui, chaque épreuve, du coup, comme tu t'attends au pire à chaque fois, même si on t'annonce une petite mauvaise nouvelle, bah, c'est pas aussi pire que ce que t'avais imaginé. Voilà, c'est tant qu'elle vit, il y a de l'espoir. Comment ça s'est passé par rapport donc à la voix de Virginie? On était à l'étape du premier cancer. Voilà, la première traque, on était sur le premier cancer. Ouais. Il y avait déjà une évolution au niveau de sa voix. Comment toi, tu l'as appréhendée, cette nouvelle voix qu'elle avait à ce moment-là avec la traque? Alors, première traque, bon déjà, on va pas se mentir, t'es content qu'elle soit en vie. Le jour où ça se passe, je prends une décision, Virginie est absente de son corps. Il y a un corps mécanique, elle est absente, et je prends une décision, c'est que on va dans un autre hôpital. Le temps que je garde la voiture, le temps que je revienne dans l'hôpital, c'est-à-dire qu'il se passe peut-être un temps de 5 minutes, je n'ai plus accès à mon épouse, qui est déjà préparée pour partir en bloc pour une traque de décompression, là, tu te rends compte que ça se jouait en très peu de temps. Donc, quand elle revient à elle, entre guillemets, et que tu la revois, mécaniquement, la voix par elle-même, tu n'y prêtes pas d'attention. C'est, de toute façon, elle ne parle pas. Elle a une traque, elle est allongée, et elle commence à reparler petit à petit. On te laisse entendre, on te dit que voilà, c'est ponctuel, que quand tout ira mieux. Donc, pour ainsi dire, bon, ta femme est en vie, la mère de tes enfants est en vie, elle échange avec toi. Tu ne te poses même pas à ce moment-là, parce que ça revient après quand même, tu ne te poses pas la question en fait. Tu dis bon, ok. C'est comme ça. Le principal, c'est que juste ça soit là. Et les enfants, c'est pareil, je leur dis bon, maman, parce qu'on tourne tout à la dérision, je dois leur dire un truc du type bon, maman. Elle manque pas d'air, ils ont fait un deuxième trou, donc maintenant ça souffle un petit peu, mais et donc les gamins prennent avec le sourire quand tu vois leur mère, elle rentre ici, t'as l'impression, enfin moi de mon point de vue, t'as l'impression que rien n'a changé, elle a juste une option supplémentaire, c'est une climatisation intégrée, voilà, pour remettre les choses en leur contexte. Donc on évolue avec cette traque, Virginie elle a une certaine voix, on s'habitue, c'est, tu sais, c'est comme une mise à jour. Comme quand t'es adolescent, tu mues. Eh bien, c'est une mise à jour. Il y a, mais par contre, elle a conservé son côté tête de mule, son côté je décide tout. Donc, ça veut dire qu'elle est bel et bien en vie. Et elle a conservé cette modularité dans la voix qui fait que il y a malgré tout des émotions qui passent dans les échanges. Tu sais si elle est contente, si elle est triste. Tu sais comment elle est. Mais du fait que c'est temporaire, tu penses au fait que. Elle retrouvera sa voix d'avant. Ou est-ce que oui. Ça, tu mets ça de côté, la voix d'avant, on oublie pour le moment. Tu vis pas là-dessus. Ouais. Celle que tu aimes, quelle que soit sa voix, peu importe. C'est au présent, à l'instant. C'est au présent, à l'instant T. Tu sais que c'est temporaire. Alors, tu t'y fais. En fait, telle qu'elle était à ce moment-là, tu te dis, moi, ça me pose aucun problème. On peut vivre comme ça. Après, tu sais que ça va s'améliorer avec le temps. Et donc, ouais, c'est évolué. Il y a eu des passages plus critiques. Il y a eu des passages plus critiques que la trachéo. Il y a eu un passage où les médecins commencent à aborder le sujet des soins palliatifs. Donc là, on est en février 2022. Le cancer avait été déclaré en octobre 2021. La trachéo, 29 décembre 2021. Et là où tu as eu quelques victoires, tu te dis pourquoi est-ce qu'on évoque ça ? Puisque Virginie avait des infections dans le corps et donc de la fièvre et où il est... Il commence à avoir du mal à faire les traitements et ça se dégradait vraiment, vraiment. Et où on te parle de soins palliatifs et la dernière personne que j'ai connue en soins palliatifs, bah c'est le papa de Virginie, avec un cancer orphelin, tête et cou. Et là, j'ai accompagné mon époux jusqu'au bout avec son père. Et donc là, tu commences à avoir un schéma qui se met en place où tu te dis, oh, ah mais non. Ma réponse au médecin, a été assez simple, c'est de lui dire ok, soins palliatifs. Donc là, en gros, on l'accompagne, quoi. Non, mais prenez pas les choses comme ça, vous savez, il faut aussi le confort du patient. Ça veut pas dire qu'elle va décéder, mais c'est lui donner du confort. Et là, je lui dis de toute façon, il y a deux issues possibles, si je m'en remets à notre conversation. Première issue, on continue le traitement, et c'est le traitement qui la tuera. Deuxième issue, on arrête le traitement et c'est la maladie qui la tuera. Et vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de mon épouse et des différents échanges que j'ai pu avoir avec Virginie, parce qu'on en avait longuement échangé, je dis pour moi, c'est le traitement qui la laissera par terre ou qui la fera sortir. Et la maladie n'en portera pas. Tant que le corps peut, on tape dedans. On a tapé dedans, je me souviendrai de cette partie-là aussi parce que après décision de taper dedans, ça a vraiment... mais vraiment, vraiment été dur pour Virginie. Il y a eu une phrase qui m'a effrayé à un moment donné. Je parlais avec mon épouse à l'hôpital et elle est vraiment, vraiment esquintée par ces traitements parce que je pense que les traitements font vraiment, vraiment du mal. Et elle me dit, si je dois refaire un tour, j'y vais pas. Et là, tu te dis, merde, on a perdu une partie. Hein. Donc là, il faut que ça passe, en fait. Si ça passe pas, oh, on va pas être d'accord. On a un groupe d'amis moi je les connais depuis plus de 20 ans, donc ils connaissent Virginie depuis le début de notre relation. Et il y a dans ce groupe d'amis qui m'a vraiment soutenu dans cette étape aussi, il y a Richard et Nadia. Richard et Nadia m'appellent un jour et ils me disent « Bruno, On a un homme formidable, c'est un magnétiseur. Je leur dis, ok, je suis pas du tout dans cette approche, moi, mais alors, je suis peut-être un petit peu trop pragmatique sur le moment. Et je leur dis, écoutez, en plus, on a perdu beaucoup de moyens financiers, donc là, bon, des vrais amis, hein. Mes finances, bon, on s'en fout. De toute façon, il va rien te demander, on lui a demandé un service. Et puis s'il te demande quelque chose, on est là pour t'aider, tout se passe bien. Il vient, il fait différentes manipulations avec Virginie, il la travaille à distance, il vient une fois par semaine la travailler avec pendant une heure, avec des appositions sur ses mains, des machins, des trucs. Et moi, sur le coup, bon, je suis très pragmatique, hein, je suis dans le business, moi, donc 1 plus 1, c'est 2, donc j'ai dit ok, ok. Virginie, qui a cette approche, elle me dit ouais, on y va avec lui, je le sens bien. Et en fait, il travaille pendant des mois et des mois tout au long. Quand il y a eu l'histoire, parce que je vous ai évoqué il y a 2 minutes l'histoire de des soins palliatifs et tout, il vient, il a travaillé, je lui dis « écoute, il y a ça ». Et moi, il me dit « non, non, mais t'inquiète pas, ça va passer. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises, il va y avoir un gros coup dur dans quelques temps. Jusque-là, pas de souci. » Donc, on passe toutes ces étapes. Et le dernier, donc on est en avril 2022 à ce moment-là, on doit voir les médecins suite à des examens qui ont été faits pour savoir où en est la tumeur. Quelques semaines avant, on avait vu l'équipe médicale qui nous avait dit « bon, de toute façon, vous inquiétez pas, il va y avoir des examens. À la sortie de ces examens, il restera toujours des traces du cancer. Ce n'est pas forcément des traces de la tumeur, c'est des traces de l'endroit où on a travaillé. » Moi, je m'en remets à ça. Jean-Michel continue à intervenir auprès de mon épouse. Je vois que même si moi, par exemple, médicalement, je ne piche pas ou je ne sais pas ce que ça apporte, je vois que ça apporte quelque chose à mon épouse. Elle est contente et elle est confiante dans cette démarche. Je lui dis, vas-y, on y va. Le dernier samedi, avant le résultat de des différents examens qui devaient nous dire si on était encore dans ce mauvais pas ou pas, mon fils, le dernier, regarde Jean-Michel et il dit... Il venait de sortir de la chambre où il avait fait les soins à Virginie, entre guillemets, énergétiques. Et lui, mon fils lui dit « bah, j'espère que ça va aller quand même. » Et là, Jean-Michel lui dit bah, « nous déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller boire un chocolat au lait au café avec ton père. Et puis, hey, mon petit, tu peux fêter, maman est sortie d'affaires. » Moi, je dis à Jean-Michel, je dis hey, « calme-toi, parce que là, on ne sait pas où on en est. » Et il me regarde droit dans les yeux et me dit « écoute, écoute-moi bien. Le médecin, quand vous allez le voir, il va te dire qu'il se gratte la tête. » Je reste avec ça, on arrive le mercredi ou le jeudi qui suit à l'hôpital et on se retrouve dans son bureau. Il dit « bon, écoutez, on a le résultat des examens. Je dois vous dire qu'on se gratte la tête. » Et là, si c'est quoi ce truc-là ? Elle dit « voilà, ça c'est l'imagerie qu'on a su ressortir. D'habitude, on a une trace de l'endroit où on a travaillé et il n'y a plus rien. » Il n'y a plus aucune trace. On est à la fin du premier cancer. Il n'y a plus rien. Et là, tu te dis, waouh. Entre-temps, elle avait voulu enlever sa traque. Elle avait enlevé sa traque. Et on en refait une. On a compris qu'elle allait effectivement vivre avec une traque à vie. Mais elle n'avait plus rien. On a continué à voir Jean-Michel. J'ai toujours gardé en résonance, en arrière-plan. Là, ça va passer. Mais vous n'êtes pas sorti d'affaire. Donc là, avril, mai, juin... Juillet, août, on part en vacances. On vit des moments super agréables. Septembre, octobre, novembre, on n'a plus trop de projets parce que bon, bah, financièrement, c'est plus compliqué à une période parce que voilà, bon, tout ça, c'est matériel, mais on se doit d'assurer pour les enfants. Virginie est suivie régulièrement. Et arrive l'annonce du deuxième cancer. Et là, je me rappelle la phrase de Jean-Michel en disant « Vous n'êtes pas sorti d'affaire. Vous allez tomber bien plus bas, mais vous remonterez. » Ok. Oui, il y avait quand même le « mais vous remontrez » qui est très important. Et il avait réussi à... Toute sa crédibilité était validée de mon côté parce qu'il m'avait bluffé au premier tour. Je ne vois pas, et peut-être aussi égoïstement, j'avais envie de croire au deuxième tour en me disant « ce mec-là, il a raison ». J'étais au bureau, Virginie m'appelle, donc c'était pour moi devenu un examen un peu standard qu'elle faisait tous les mois ou tous les 2 mois à l'époque. Et là, ma femme, toujours un petit peu bourrique, tête de mule et rock, essaye de préserver l'âme sensible en disant « bon, voilà, maintenant il y a la gorge et il y a le pied de la langue. » Donc là, je dis « ok, et donc on repart sur de la radio et de la chimio, là ?» Elle me dit « non. » Elle me dit « là, on enlève le larynx, les cordes vocales et s'il faut la partie de langue qui est problématique. » Mais je lui dis, mais si on enlève tout ça, tu parles plus ? Non. Alors Virginie, elle a ce bon et ce mauvais côté, c'est que Virginie n'est pas une cachotière, mais c'est un mauvais côté, c'est que des fois, quand tu poses des questions mais que t'as pas spécialement envie d'entendre la réponse, elle te donne quand même la réponse. C'est là où, quand tu vis avec Virginie, t'apprends que quand tu poses une question dans la vie, il faut avoir envie d'entendre la réponse. Sinon, faut pas la poser. Et là, je dis d'accord, donc on est, pour moi, on est en mars. Et elle me dit, dans 3, 4, 5 jours, j'ai rendez-vous avec l'équipe médicale pour la suite. On va me faire une laryngectomie. Ok, je raccroche, je redescends, je rentre à la maison. Ce soir-là, j'ai pas un souvenir de grande discussion, quoi que ce soit. Comme si ça n'existait pas. Comme si la conversation téléphonique que vous veniez d'avoir... Elle était entre nous deux, elle était dans un moment un peu numérique du téléphone. Okay. Et mais pas dans la vie de famille, quoi. Pas à l'intérieur de la maison, quoi. Ma femme, comme elle le fait... À son habitude, on s'assied à un moment donné pour regarder peut-être une série, pour mettre notre cerveau en vacances. Et tu sais, très souvent, Virginie, elle pose sa main sur moi, et quand il y a des gros coups de galère, elle sait que je ferai face, mais elle sait que j'ai, comme j'ai une certaine sensibilité, je le prends, et juste le temps que je me mette en ordre de marche, et elle me dit je suis sincèrement désolé pour toi. Et je lui dis, mais sois pas désolé, en fait. On y va. On va y aller, de toute façon, il n'y a pas le choix. D'ailleurs... Tout le temps des maladies qu'il y a pu avoir, j'ai beaucoup travaillé. Je pense que ça a contribué à mon équilibre. Je crois que j'avais besoin que l'homme garde un repère constant pour pas que l'époux sombre à un moment donné et que le père, par ricochet, aborde le même parcours. Parce que chez moi, enfin chez nous tous, dans notre famille, on dissocie. Moi, je dissocie l'homme, l'époux, le père. C'est ce qui nous permet aussi d'avoir une capacité à passer des épreuves où on investit des rôles, entre guillemets. Mais bon, je me vois au bureau et de là, on attrape les choses à bras le corps. Virginie se met en ordre. Je crois que c'est fin avril, oui, c'est ça, fin avril qu'elle est hospitalisée, 26, 27 avril, dans mes souvenirs. Pour une durée d'un mois, je sais que je vais reprendre la gestion du quotidien. Donc les gamins vont manger beaucoup de chips, de frites. Les voisins d'en bas vont goûter les machines à laver à 3h du matin. Mais c'est pas ça, à ce moment-là, qui m'effraie. C'est cette voix que tu as évoquée tout à l'heure, qui était modifiée, qui devait être temporaire et qui l'a été, mais pas pour revenir vers autre chose. En fait, à ce moment-là, l'information que j'avais, c'est qu'elle n'aurait plus de voix. Donc il y avait déjà une première mise à jour qui s'était faite, mais là, il fallait faire le deuil. Mais tu savais qu'elle pourrait reparler avec un appareil ? Ben en fait, il y avait plusieurs hypothèses. A priori, si j'avais compris, il y aurait une prothèse phonatoire si c'était pas trop touché. Donc, mais la prothèse phonatoire, ça ne s'est pas fait. Mmh. Il y avait la probabilité d'un appareil, mais il ne savait pas ce que ça allait donner derrière. Chose que je n'ai pas vraiment fait sur la maladie, je l'ai fait au tout début, j'ai googlisé pour comprendre l'épaississement, mais c'est tout. Et là, j'ai repris à ce moment-là, dans cet intervalle entre le moment où elle me l'annonce et le moment où je sais où elle va être hospitalisée, j'ai commencé à prendre des vidéos de laryngectomisée et sur le coup, c'était dramatique. Sur le coup, je me suis dit, ça n'enlève pas celle qu'elle est, ça n'enlève pas les sentiments que j'ai pour elle, mais ça va bouleverser quand même quelque chose. Et je vois ces vidéos, mais dans ma tête, il y a surtout le fait que je n'entendrai plus ma femme. Le jour de son entrée à l'hôpital, c'était le jour de son opération. Il l'opérait le matin même. Ils nous ont demandé d'arriver à 7h. Super équipe médicale. Vraiment, elle a toujours été très très bien entourée dans cet hôpital qui lui a fait la traque de décompression. Et en fait, il est 7h30, 8h moins le quart. Et je marche avec elle dans ce long couloir pour aller jusqu'au sas du bloc opératoire où il n'y a plus de retour en arrière. Et là, c'est les dernières paroles que tu échanges. Qu'est-ce que vous échangez à ce moment-là ? Je t'aime. Et après, il y a le post-opératoire. Donc... L'équipe médicale me dit ne venez pas demain, elle va être tellement bourrée de traitements sédatifs que de toute façon, il n'y aura pas d'échange. Bon, je ne viens pas le lendemain, je vais un peu au boulot, beaucoup avec les enfants, je reviens le surlendemain. Alors là, comment dire? Je rentre dans les soins intensifs et là, je prends une pancarte, je fissure d'eau, en bas dans mon corps, je vois mon épouse, Tu as vu, je suis quelqu'un, comme tu le dis, je suis un amoureux de la Côte d'Azur, j'ai la chance d'y travailler très régulièrement et d'être un méditerranéen de base, donc je bronze facilement. Mais à ce moment-là, je pense que j'étais aussi blême que les murs. Je vois mon épouse, j'essaie de lui parler, on n'a quasiment aucune interaction, elle est tellement shootée. Elle ouvre les yeux, je vois qu'elle cligne deux fois des yeux, elle referme. Je dis bon, je vais repartir, donc l'hôpital est environ à 40 minutes de la maison, mais... Je me dis, bon, ça va me permettre de décompresser en ressortant. Et après, tu te raisonnes quand même en te disant, bon, premier cancer, on n'avait pas de solution, on se battait avec de la chimie. Là, ils sont arrivés, ils ont dit, on enlève tout, on se prend plus la tête. Puis après, bon, bah, les jours qu'on suivit, hein, petit à petit, moi, je venais la voir un jour sur deux à l'hôpital, parce que je travaille 100 km à droite, mes bureaux, et l'hôpital est 60 km à gauche. Donc je venais un jour sur deux, un soir avec les enfants, un soir avec mon épouse. Ok, les enfants venaient à l'hôpital? Non, pas du tout. Ah non. Mais j'étais un soir avec eux, moi. D'accord. Ici, et un soir à l'hôpital avec mon épouse, eux se gèrent en autonomie parce que le grand a été formidable durant toutes ces années. Il a été pour moi une des clés de la réussite. Les deux gamins ont été une clé de la réussite par rapport à leur attitude et à leur capacité à absorber de telles choses et à leur autonomie. Donc au début, tu as l'ardoise, tu viens la voir petit à petit, tu t'habitues. Et il y a la sortie d'hôpital. Et là, il se passe quelque chose de terrible que je n'avais pas anticipé. Je prends ma voiture et comme tout conducteur assidu, je regarde la route. Je parle à ma femme et comme je ne peux pas la regarder pour me répondre, je ne peux pas lire d'ardoise. Comme j'arrive pas à lire sur les lèvres. Et là, on fait plusieurs dizaines de kilomètres ensemble où tu te dis, ça va être long. Si tu poses la question, il faut être prêt à entendre la réponse. Là, si tu poses la question, il faut être prêt à pas entendre la réponse. Et là, tu te dis, c'est encore une autre étape. On y va, c'est parti. Et puis bon, petit à petit, ça s'est mis à la maison, son ardoise. Ensuite, elle a trouvé une application de téléphone. Donc, quand elle était en voiture, même quand on se trousse pétait, tac, tac, tac, tac, elle tapait très vite sur son téléphone, elle envoyait et j'entendais le téléphone qui me causait. Et après, comme Virginie est un peu une persistante, je vais dire, quand ils lui ont donné l'injectophone. Laryngophone. Ouais. Laryngophone, pardon. Pourquoi je dis laryngectophone? Oh, oui, voilà. Laryngectomie. Ouais, enfin bon, ouais. Vous m'avez compris. Et elle a commencé à parler. Bon, bah voilà, une nouvelle mise à jour. Bon, les gens l'apprécieront dans le podcast, hein, de toutes les façons. Mais ils verront que la voix est quand même assez. Audible d'ailleurs. Ce qui est assez intéressant avec cet appareil, Virginie, c'est une femme qui a une cinquantaine d'années, elle est bien dans sa féminité, c'est une femme qui est assez élégante, elle a un voile de poésie, tu vois. Si tu ne fais pas attention à ce petit filtre qu'elle a au niveau de la traque, tu vois pas qu'il y a quoi que ce soit, quoi. Et très souvent, c'est ce qui est très drôle comme expérience, c'est que quand elle parle dans un lieu public, automatiquement, tu vois... On l'écoute. Ouais, puis tu vois tous les gens, t'en as qui sont hyper dérangés de la situation, oui, parce qu'ils ont une peur bleue. Et en fait, quand t'es jeune, ou à certaines époques de ta vie, tu peux être complexé de choses en public. Il y a des choses qui peuvent te complexer. Et en fait, de vivre avec Virginie et cette voix un peu de Daft Punk dans un corps d'une femme d'un mètre 60 pour 50 kilos qui se pointe, tu as vu, parce qu'avec le cancer, elle a eu des traitements assez durs pour la peau et puis elle a des grosses cicatrices pour la laryngectomie et tout, donc elle a son ombrelle. Forcément, quand c'est complètement hors du temps, tu te pointes dans une ombrelle au milieu d'une ville et par moments, des gens lui disent « Ah, vous êtes vraiment belle, vous êtes élégante. » Et puis là, tu la vois parler avec sa voix. Tu te dis, en fait, soyons qui nous sommes, en fait. Mais est-ce que toi, au départ, ça a pu te gêner le fait d'aller à l'extérieur, le regard des autres? Parce que, oui, les gens se retournent, effectivement. Pas du tout. Tu m'aurais évoqué le fait sans que je le vive. Je t'aurais dit, ah ouais, ça doit être bizarre. Je t'aurais dit, je peux être gêné. Le fait de le vivre, pas du tout, en fait. Je pars du principe que s'il y a quelque chose qui ne te convient pas, ne nous regarde pas. On en parlait tout à l'heure ensemble. Je prends l'exemple de ta voix. C'est assez drôle, mais tu as la voix d'une femme mûre qui a vécu dans le cinéma pendant 50 ans, mais tu as le physique d'une gamine de 25 balais, quoi. Et ce décalage entre la... Je trouve que ça... Là où ça a enlevé de l'identité à la base à Virginie, le fait qu'elle perde sa voix et sa modularité, ça lui a apporté une identité unique, vraiment unique. C'est un petit peu comme ça t'arrive à toi. Et on a, et on, c'est une caractéristique qui donne une note un peu poivrée au personnage. Ça, et si t'aimes un petit peu les gens relevés ou en couleur, je trouve qu'en fin de compte, c'est un super atout. Voilà, ça apporte un charme. Maintenant, si on doit regarder les points positifs de cette situation, c'est qu'elle t'apporte à la quarantaine la compréhension de certaines choses dans la vie que certains ne comprennent jamais. Et tu abordes la vie d'une manière différente et la qualité de ta manière de vivre est tellement plus riche émotionnellement, plus riche intellectuellement, que ce qui nous est arrivé, c'est... Je n'irai pas à dire que c'est une bonne chose, mais c'est une chose positive. Je pense que la vie n'est qu'un apprentissage avec une échelle de souffrance. Et des gens, t'as des gens qui vont se faire tout un monde d'un rien à tes yeux, mais il faut jamais oublier que pour eux, c'est important parce qu'ils n'ont que ça comme référentiel. Et en fait, toutes ces expériences te donnent un autre référentiel. Donc par rapport à beaucoup de gens, t'as cette chance d'avoir une capacité à absorber des difficultés. C'est tout bête, mais t'apprécies des choses plus simples. J'ai fait partie de ces gens qui ont voulu être dans l'avoir. Alors c'est facile de le dire aujourd'hui, j'ai une bonne place, je gagne relativement bien ma vie, mais en fait je n'attache plus aucune importance à l'avoir. C'est le moment que je vis qui est important. C'est l'être. C'est l'être, exactement. Juste des petites choses toutes simples de la vie qui prennent tellement plus de sens et tellement plus de saveur. Tout à fait. Tu vois, après ce podcast, on va aller tous ensemble prendre un café dans ce château qui a fait naître notre relation avec Virginie. Bah merci beaucoup d'avoir pris la parole aujourd'hui et d'avoir apporté ton regard en tant que proche aidant sur la maladie de Virginie. C'est vraiment un autre point de vue qu'on a besoin d'avoir aussi, et même dans les podcasts, parce que alors, les patients ont besoin de prendre la parole, ce qui est normal, mais les aidants le vivent différemment aussi. Et le vivent. Moi, je vais te remercier pour le temps que tu as accordé à Virginie et à moi. Je vais te remercier pour le temps que vous donnez aux gens qui n'ont plus de voix pour donner leur voix. Et ça, c'est important. Et aux gens qui ne sont pas forcément entendus comme les aidants, pour donner leur voix. Vous êtes un petit peu facilitateur. Et je trouve que ce que vous faites est... Si j'avais eu la chance d'avoir vos podcasts en amont de ce qu'on a traversé, ça m'aurait vraiment aidé. Et donc aujourd'hui, le partage que je fais, c'est aussi dans l'espoir de me dire... j'espère que quelqu'un se sentira moins seul. Il se dira... D'autres ont bien vécu, ils rigolent encore et ça va bien se passer. Ils gardent tout leur humour. Exactement. Donc, nous aussi, on peut y arriver. Quoi. Tout à fait. Complètement. Et puis maintenant, on va aller se balader au Château Gaillard. Exactement. Et j'ai hâte de découvrir ce lieu. C'est parti. Merci d'avoir écouté cet épisode de Coup de tête, le podcast des patients touchés par un cancer tête et cou, créé par l'association Corasso. Pour retrouver plus d'informations sur ces cancers et sur l'association, rendez-vous sur www.corasso.org. À bientôt!